Je suis bien chez moi dans notre nid d'amour où nous sommes que toi et moi, les amoureux du jour. Et quand revient le soir, blotti au chaud dans tes bras, je suis bien, je n'ai qu'un espoir, on s'aimera toujours. Je ne demande rien de grand, car ton âme me suffit. Tu es mon étoile au cuir, maman, et mon souffle de vie. Je serai fidèle pour toi, parce que je crois en toi jusqu'à la fin. Tu effaces mes souvenirs, tristes souvenirs du passé. Tu fais renaître mon sourire, mais ton visage t'est effacé. Si je souris aujourd'hui, c'est à toi que je le dois, car tu redonnes à ma vie l'amour auquel j'avais droit. Je ne demande rien de grand, car ton âme me suffit. Tu es mon étoile au firmament et mon souffle de vie. Je serai fidèle pour toi, parce que je crois en toi jusqu'à la fin de ma vie. Mon cœur t'appartiendra. Jusqu'à la fin de ma vie, mon cœur t'appartiendra.